Envie juste de dire que dans ce micro ouvert, vous allez peut-être pas bien comprendre, alors je le dis, ou bien peut-être j'ai besoin de me justifier. Ça n'a rien à voir avec Blanche Gardin. Voilà, on parle d'Amazon, mais Blanche Gardin, elle a fait. Enfin, moi, j'ai fait l'entrevue avec Dupré Xavier avant que cette chose arrive et fasse le buzz sur Facebook. Voilà, j'avais juste envie de dire ça. D'abord, je cherche à comprendre la cause des injustices sociales. J'essaye de voir s'il n'y a pas une cause principale pour toutes les injustices sociales. Étienne Chouard. Quand on a un problème, quand il y a un mal à soigner, évidemment, ne vous en prenez pas aux conséquences. Vous ne réglerez pas le problème. Ne vous en prenez même pas aux causes. Elles sont multiples, tout est multifactoriel. Ce n'est pas ça. Il vaut mieux chercher parmi toutes les causes. La cause, s'il y en a une, au moins une des causes déterminantes, c'est-à-dire celle qui détermine les autres causes. Et c'est celle-là qu'il nous faut. C'est ça que je cherche. Alors, je partage avec tous les copains résistants, je rencontre depuis que je fais de la politique, je rencontre plein de gens qui résistent depuis toujours, et je partage avec eux, évidemment, toutes ces luttes. Et j'ai fait un schéma pour vous montrer la variété des sujets sur lesquels les gens résistent. Et donc j'ai fait ça sous forme d'arbre. Ça permet de montrer que je m'étonne que tous ces résistants s'en prennent à des choses importantes, mais qui ne sont que des conséquences. Et je trouve que personne n'essaye de comprendre la cause de tout ça. Et il me semble que j'ai trouvé, alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé une cause commune à toutes ces impuissances et à toutes ces injustices. Donc je pars des conséquences, des injustices sociales, j'essaye de comprendre d'où elles viennent. Il me semble qu'elles viennent de l'absence de contrôle des pouvoirs qui produisent une impuissance populaire. Et je pense que s'il y a des injustices sociales, c'est parce que les gens bien, les gens normaux, n'ont pas le pouvoir de résister. Tous ces gens qui résistent et que je connais, tous ces militants, ils résistent, ils passent toute leur vie à se bagarrer, ils ne changent rien. Comment ça se fait ? Parce que leur impuissance politique leur interdit d'agir. Mais d'où elle vient, cette impuissance politique ? Pour ce que j'en analyse, je pense que cette impuissance politique vient de la Constitution, du texte qui fait que les élus ne sont pas révocables, ils n'ont pas de compte à rendre, on ne peut pas choisir nos candidats, on n'a pas de référendum d'initiative populaire. De notre initiative, nous ne pouvons décider de rien. La monnaie, et on la laisse privatiser parce que dans la Constitution, il n'y a rien pour obliger au fait qu'elle soit publique, etc., etc. Je n'ai pas le temps de développer, mais dans la Constitution, toutes nos impuissances sont programmées. Ça ne vient pas du ciel, c'est écrit quelque part. Alors, j'essaie toujours de comprendre quelle est la cause des causes, quelle est la cause de cette cause. Qu'est-ce qui fait que, partout dans le monde, toutes les constitutions programment l'impuissance des peuples ? C'est pas un complot, ça peut pas être un complot. Pas tout le temps et dans tous les pays. C'est pas ça, c'est autre chose. C'est un processus universel qui doit avoir une cause universelle. Et il me semble que ce qui fait que toutes ces constitutions sont mauvaises, qu'elles programment l'impuissance des gens, au lieu de programmer notre puissance, et au lieu de nous garantir contre les abus de pouvoir, elles programment notre impuissance, je pense que c'est parce que ceux qui écrivent la Constitution, les auteurs constituants, ceux qui écrivent la Constitution sont... ont un intérêt personnel à ne pas écrire de bonnes constitutions, à ne pas écrire notre puissance. Et ils sont jugés partis, ce sont des professionnels de la politique. Et cette cause-là, là on est proche de la cause des causes, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas eux qui sont des pourris, c'est nous qui les laissons écrire. Pour comprendre l'importance de cette erreur, il faut que je rappelle qu'est-ce que c'est qu'une constitution. Les peuples, nous, depuis longtemps, depuis 2500 ans, avons besoin de mettre au-dessus de nous des représentants pour produire et appliquer un droit écrit qui nous protège contre l'arbitraire des plus forts. Donc ces gens-là sont très utiles, évidemment. Ils produisent un droit dont nous avons besoin pour pacifier notre société. Mais en même temps, ils sont très dangereux. C'est-à-dire que si jamais ils se mettent à abuser, s'ils se mettent à servir les intérêts d'une caste au lieu de servir l'intérêt général, ou s'ils se mettent à abuser du pouvoir en devenant fous, puisque le pouvoir les rend fous systématiquement. Ça fait 2500 ans qu'on sait ça, quoi. Hein, le pouvoir rend fou, le pouvoir... Tous les pouvoirs ont une tendance à abuser. Toujours. Montesquieu. C'est comme une loi physique implacable. Et il y a une idée géniale pour nous protéger de ça, c'est la Constitution. Alors la Constitution, qu'est-ce que c'est? C'est un texte qui est au-dessus des pouvoirs et qui ne sert pas du tout à organiser les pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser, pas du tout. La Constitution, tous les citoyens devraient savoir ça. La Constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs. Ça sert à inquiéter les pouvoirs pour nous protéger, nous. Nous protéger, nous, contre les abus de pouvoir. Mais attendez, si les représentants doivent craindre la Constitution, mais pourquoi pas qu'ils l'écrivent eux-mêmes? Ben sinon, s'ils l'écrivent eux-mêmes, ils vont programmer leur puissance et notre impuissance. Enfin, un enfant comprend ça. Donc l'idée centrale, mais vraiment c'est une idée essentielle, c'est que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, et ce n'est pas à eux, il ne faut pas attendre que ce soit eux qui renoncent à écrire le pouvoir, ils ne renonceront jamais, la solution ne viendra pas d'eux, elle viendra de nous, c'est à nous de leur interdire d'écrire la Constitution. Micro ouvert. 3, 4, c'est parti pour faire une rencontre avec Monsieur Dupré-Xavier, que j'ai ici en face de moi, à la Fondation... Joseph Jacques Motte, évidemment, je ne connaissais pas, donc tu vas un peu nous expliquer. Alors, Dupré-Xavier, moi, je ne connais absolument pas. Voilà, j'ai vu un message, enfin, plus qu'un message, hein, c'est un petit texte de quelques lignes qui... Bah, ce serait chouette de le lire, en fait. D'accord. Et donc, c'est cette idée de rencontrer des gens comme ça qui écrivent des choses sur Internet et puis après de les rencontrer pour qu'ils expliquent un peu plus profondément. Alors le texte, c'était simplement un petit billet d'humeur sur ma page Facebook. Je savais pas que ça allait avoir du retentissement. J'avais écrit ceci. Je vis dans une société où je ne peux pas dire partout qu'il y a plus de politique dans un Deleuze en grève qu'un jour, que dans un Parlement toute l'année. Dans cette même société, l'authenticité de la recette du spaghetti carbonara devient la polémique pour l'heure dominante dans le débat public. Je cherche l'interrupteur. Ouais. Moi, je la trouve très bien. Je trouve très bien. Ça résume comme ça des choses, quoi. Mais tu te présentes un peu pour qu'on comprenne, parce qu'en fait, c'est comme ça que je fais. Je vois un texte. Je vois pas d'abord le prénom ni le nom. Tu vois, ça m'intéresse pas. Je vois d'abord le texte. Je trouve qu'il est il est intéressant, ce texte. Et puis après, je vais voir la personne. Et puis après, je me rends compte que toi, t'es quand même quelqu'un. T'es un intellectuel de gauche qui écrit des articles, qui écrit des livres, qui passe dans les médias. Mais je le savais pas à la base. Eh ben, d'abord, ça prouve que je suis pas si connu que ça déjà. Mais enfin voilà. Donc oui, effectivement, je suis économiste. Ça fait 20 ans maintenant que je fais de l'alphabétisation économique, décodage économique, présentation d'économie alternative dans le milieu associatif francophone, belge francophone, principalement subsidié par l'éducation permanente. Il y a eu aussi un peu la coopération au développement à une époque. Et dans ce cadre-là, oui, effectivement, je produis beaucoup d'articles. C'est vrai que... Mon mode d'expression, c'est l'écrit, c'est pas tellement les médias, même si cette année, je suis chroniqueur sur LN24, ce qui laisse de grands moments quand même de solitude et de confrontation avec la pensée, l'idéologie dominante et son virage quand même assez autoritaire, en tout cas, type Georges-Louis Boucher, ça se sent très fort. Et voilà, donc oui, je suis un peu connu, pas beaucoup, je sais pas, enfin pas énormément. Non, mais... Quand je dis ça, ça veut dire que t'es pas. Coleman, quoi. Tu dis ? C'est pas Bruno Coleman. Je suis pas tous les jours dans le journal pour dire que les banques vont très bien. Ça c'est clair. Ou d'autres profs ou chargés de cours de se lever, dont le métier consiste quand même à aller dire dans les journaux, par exemple, que la restructuration de Deleuze va se passer sur un mode qui ne peut être que défavorable aux travailleurs, puisque c'est un face-à-face entre le patronat tout puissant et des gens qui ont la contrainte, qui sont sous la contrainte de devoir travailler pour manger. Ce qui est faux, en plus. Ce qui est faux, ils le disent dans les médias, mais c'est faux, puisqu'un conciliateur social a été nommé, par exemple. Donc tout ça se passe à l'ULB, d'ailleurs. J'ai envie de dire, j'en profite pour foutre le bordel sur Radio Campus. Non, il y a vraiment la liberté, hein. D'accord, non, mais je le dis, puisque ça se passe à l'ULB. Et donc ça me... Voilà, donc... Alors maintenant, contrairement à certains qui sont un peu plus connus en Belgique, il m'arrive quand même d'écrire un peu dans le journal Le Monde ou dans l'Humanité en France... Voilà, donc c'est mon mode d'expression. On pourrait parler d'un journalisme économique alternatif, un petit peu aussi chef de projet sur certains trucs. Voilà, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. T'as quand même ton petit, comment dire... Voilà, tu... Mon petit marché de niche, comme on dirait dans le secteur privé. Oui, il y a de ça, ouais, c'est clair, ouais. Et quoi, on pourrait partir un petit peu aussi de ton texte, là, dire, tiens, non, mais tu l'as lu, hein. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu entends par là quand tu écris ces quelques lignes? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est-à-dire qu'en fait, globalement, tout est politique dans notre société, sauf ce qui est vraiment politique. Hein, donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'information politique, c'est Paul Magnette a boudé le petit repas à 4h de l'après-midi avec Georges-Louis Boucher, parce que Georges-Louis Boucher, la veille, a balancé une phrase dont la profondeur historique est absolument proche du néant et devrait être oubliée dans les 15 jours. Ça, c'est la politique. Par contre, le fait qu'il y ait deux facteurs de production en compétition pour l'appropriation de la plus-value, ça, c'est un fait structurel. Ça, c'est profondément politique. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup. Et donc, tu veux pas parce que là, j'ai un peu décroché. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça, avec la plus-value? La plus-value, ça veut dire qu'à un moment donné, dans les entreprises, on dégage un surplus économique. On produit quelque chose, on a un input. Et puis Profit, quoi. Oui, c'est ça, le partage du profit, si tu veux. OK. Ça fait déjà bien longtemps. Enfin, c'est pas que maintenant. Hein. C'est une vieille histoire, ça. Oui, d'accord, mais c'est un fait structurel. Et donc, ça devrait être ça, le fait politique fondamental. Les égos de deux ou trois personnes qui sont éventuellement élues parce que des gens ont éventuellement l'impression que leur voix compte dans le système, ça, c'est pas politique. Ça, c'est du people. Ça, c'est du spectacle. Et d'ailleurs, la presse économique, c'est la presse la plus politique qui soit, puisque c'est celle qui habituellement dit... Par exemple, on trouvera jamais dans un journal ce que j'ai vu ce week-end dans le Financial Times. Le Financial Times décrit Emmanuel Macron comme un homme usé politiquement et sans solution. Ça, je vais pas le lire dans le soir. Ça, je vais pas le lire. Pourquoi? Parce que le Financial Times s'adresse aux élites. Et donc doit dire la vérité, enfin, doit développer le point de vue le plus objectif et le plus matérialiste sur ce qu'est la société. On dirait quoi ici en Belgique? Parce que là, on parle de Macron. C'est les mêmes politiques, hein, c'est sûr, mais on dirait quoi? On va parler beaucoup de violences policières. De violences, non. D'abord, on va parler de violences policières légitimes. C'est-à-dire que certaines images qu'on voit de types qui se font tabasser par 5 flics en même temps, ça, c'est la légitimité de l'état de droit, c'est la violence légitime. Ici, en Belgique, tu parles? On en parle comme ça ici, bien sûr. J'ai pas vu énormément d'articles pour dénoncer actuellement ce qui s'appelle la répression d'un mouvement d'opposition politique en France. Je ne l'ai pas vu énormément. Attends, moi, je m'y perds, là, parce qu'on parle de la Belgique, on parle de la France. Moi, je te disais de donner un exemple, parce qu'on dit que Macron, en France... On dirait quoi ici sur la Belgique, alors? Et puis là, tu me parles de violence policière, mais... C'est-à-dire, par exemple, en Belgique, c'est simple. Quand on demande une condamnation au Parlement, et le 11, c'est le PTB, demande une condamnation au Parlement de la répression policière en France, ça ne se fait pas. On ne le fait pas. On ne condamne pas. Ok, mais là, tu parles des politiques en France. Tu parles de la politique en France. De la politique en Belgique. Oui, oui, soyons... C'est... Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Quoi que ce qui se passe... Même si c'est les mêmes politiques qui sont menées. Hein. Oui, non, c'est clair. Bah, ici, en Belgique, c'est quand même très, très fort en ce moment, ce que je ressens de la part du MR, qui est une espèce de combat culturaliste où, globalement, on n'est pas trop capable de dire ce qu'il faudrait faire pour avoir plus d'emplois. Enfin, il n'y a pas de solution, en fait. Il faut exclure des gens du bénéfice des allocations de chômage, une violence sociale qui est très, très incorporée, pour qu'éventuellement ils deviennent des travailleurs, ce qu'ils ne deviendront sans doute pas, ils deviendront juste des titulaires du revenu d'intégration sociale, mais ils seront sortis du chiffre du chômage officiel. Ça, c'est cette violence sociale-là. Et je vois ce tournant-là qui est de plus en plus marqué, de plus en plus fort. Et je suis quand même aujourd'hui, et je vois par exemple aussi, c'est terrible, cette idée... Et notre gouvernement, par exemple, parce que là, on parlait à échelle de Macron, donc c'est aussi un gouvernement français, mais on dirait quoi de notre gouvernement? Quand je dis notre, c'est pas du tout le mien, hein. Non, tu vois? Pas de problème, j'ai pas de souci avec ça. Mais ça pourrait l'être, ça me poserait pas problème. Je dis juste ceci, c'est que par exemple, la reprise de Deleuze, telle qu'elle est là, avec ce plan de franchisé qui est massif, c'est un plan de dérégulation sociale immense. C'est un vrai plan de dérégulation des droits du travail, de perte de droits du travail pour le monde du travail. Et tout ce que j'entends, c'est ne caricaturons pas les franchisés. Et jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de débat politique organisable pour qu'il y ait une et une seule commission paritaire pour l'ensemble du commerce. Ce qui permettra à nouveau à des franchisés De pouvoir pratiquer un moins-disant social parce qu'ils sont représentés dans une commission paritaire qui est celle du petit commerce. Et en règle générale, d'ailleurs, ce sont de tout petits établissements dans lesquels le patron est beaucoup plus... L'employeur dispose de plus de pouvoir social qu'au sein d'un établissement intégré dans lequel la délégation syndicale pèse dans les relations collectives de travail. Et ça, aujourd'hui, je vois... cette violence a l'air normale. Et je trouve pas ça... je suis pas en accord avec ça. Je suis d'autant moins en accord avec ça qu'aujourd'hui, je vois que ce même employeur... Il y a quand même eu, c'est vrai, je dois le dire, le vice-premier ministre socialiste d'Allemagne qui a trouvé, à juste titre d'ailleurs, que le fait d'envoyer des huissiers pour briser les piquets de grève, alors qu'on est en période de conciliation sociale, et ça c'est ce que fait la direction de Deleuze aujourd'hui en Belgique, c'était une pure provocation, ce qui est vrai. En période de conciliation, on laisse le conciliateur rapprocher les points de vue des parties. On ne fait pas appel à une tierce personne, à une tierce partie qui, dans le cas ici... Ils essayent tous les coups, j'ai envie de dire. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que dans la relation de travail, on ne peut pas essayer tous les coups. Il y a un état de droit. Quand il y a une conciliation sociale, il y a une conciliation sociale. Mais ça fait déjà un petit temps qu'on n'est plus dans cette... En tout cas, qu'il y a vraiment un... qu'on n'est plus dans cette société de droit où que ça pose des questions, ou que... Mais ça me pose problème, précisément. Je trouve qu'il faut que ça pose question. Oui, mais c'est pas qu'à toi que ça pose problème. Oui, mais après, il n'y a pas... Ce qui se passe pour le moment, c'est assez intéressant de voir... Après, je ne suis pas bien l'histoire, mais j'ai envie aussi d'aller donner la parole à des gens qui se mobilisent. Parce que c'est intéressant ce qui se passe, c'est pas simplement... Ça dure plus longtemps que d'habitude, non ? C'est clair, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment resituer, ce conflit-là, par exemple... Donc on parle bien le conflit du Deleuze, hein ? C'est ça, oui. Et en fait, il faut le resituer aujourd'hui dans un épisode de conflictualité sociale en Europe qui est très poussé. Je veux dire, on voit bien ce qui se passe en Allemagne, c'est blocage dans les aéroports, on voit bien ce qui se passe en France. Blocage dans les aéroports ? Oui, il y a eu des grèves dans les transports en Allemagne, donc il y a eu des blocages aéroports intérieurs, des blocages de transport, des blocages de train. Tu vois, ce qui est bien, Xavier, c'est d'essayer de pas parler dans l'entre-soi, c'est-à-dire que tout le monde comprenne ce qui se dit là, maintenant. Tu vois, même si pour nous, ça paraît évident, comme ça, tout le monde comprend. Et donc, il y a la France, on sait bien que le climat social est très dégradé au Royaume-Uni aussi. Donc, on voit bien clairement qu'aujourd'hui, il y a une montée de la conflictualité sociale. Oui, c'est quelque chose qui me fait dire que tout ce qu'on avait trouvé normal, ce moins-disant social, toujours plus de précarité, de flexibilité, de droits pour les employeurs et moins de droits pour les employés, c'est peut-être aujourd'hui en train d'être remis sérieusement en question. En tout cas, ça peut l'être. Donc, En tout cas, il y a des gens qui se retrouvent vraiment sur le carreau aussi. Hein. Tu vois, c'est ça aussi que les gens en ont ras-le-bol. C'est qu'à un moment donné, quand on n'arrête pas de parler de crise sur crise, les factures, ça devient compliqué. Les gens commencent... Faut pas être grand devin pour deviner qu'à un moment donné, ça va être vraiment chaud. Quoi. Les gens vont en avoir marre et vont aller dans la rue. Oui, ça, on peut le supposer. Maintenant, c'est toujours la question de savoir comment s'organise un mouvement social. Je veux dire, ça peut être une jacquerie, c'est-à-dire une révolte populaire sans agenda politique, sans force structurée. Et là, ça débouche en règle générale sur pas grand-chose de long terme, en termes, en tout cas, de réaménagement des rapports sociaux. Si par contre c'est structuré, organisé, et c'est le cas ici en France, je veux dire des forces syndicales importantes. Là on parle des retraites, c'est ça ? Parce que tu vois, on parle du Deleuze en Belgique, ok ? Là on parle des retraites. Oui, mais j'avais bien dit que c'était une scène sociale européenne qui était convulsée. Donc on voit ça en France, et puis on pourrait commencer à voir des choses en Belgique dans les mois qui viennent. Comme tous les conflits sociaux sont liés. Je veux dire, si j'avais un journaliste de l'Écho il y a une semaine au téléphone et il me disait, il est clair que si Macron finit par reculer en France ou s'il se produit quelque chose d'un peu catastrophique de son point de vue, qui est un point de vue néolibéral là-bas, eh bien, la question des retraites, la retraite à 67 ans en Belgique sera remise évidemment à l'agenda par les mouvements sociaux, comme quoi tout est lié. L'histoire du socialisme, même en Europe au 19e siècle, c'était la rencontre entre, disait-on, l'économie politique anglaise, le socialisme français et la philosophie allemande. Donc l'histoire du mouvement social, elle est là, elle est européenne. Donc voilà pourquoi on peut passer de la France à Deleuze et de Deleuze au transport en Allemagne. Il n'y a pas de problème. Évidemment que tout est relié, c'est pas ça. C'est pour qu'on comprenne aussi de quoi on parle, quoi. Là, on parle de la conflictualité profondément politique du capital face au travail, et qui est en règle générale occultée par les médias mainstream pour une raison très simple, c'est que plus les gens penseront que le spaghetti à la carbonara, c'est un débat politique, plus ils penseront que tel élément de folklore, par exemple, j'entendais parler à une époque, il y avait un personnage qui s'appelait le Sauvage, donc qui était dans une, c'était à Hatte, c'était à la Ducasse d'Hatte chaque année, il y a un personnage dans le folklore qui est peint en noir et qui a l'air. Attention, parce que là, ouais, qu'est-ce que tu vas dire? Non. Parce que ça, c'est quelque chose. Ouais. Non, mais ça, je dis simplement que des mouvements se sont opposés à ça à juste titre, et que, en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'on a beaucoup mobilisé dans ce qu'on pourra appeler la droitosphère, la sphère de droite sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette intolérable injustice, etc. Alors que c'est pas un débat politique qui devrait mobiliser beaucoup plus que ça. Mais tout ça est fait pour occuper les gens. C'est-à-dire que écrire, oh, c'est dégueulasse, il y a des vilains woke qui empêchent la manifestation, la Ducasse d'Ade de s'organiser comme elle s'est toujours organisée, ben ça va remplir des pages et des pages. Ça permet de ne pas parler du fond véritablement politique de nos sociétés, qui est la conflictualité travail-capital. J'entends bien ce que tu dis, mais je ne sais pas si c'est un bon exemple de prendre l'exemple de la Ducasse à Tournai. Parce que moi, je connais un peu les gens qui se sont battus pour changer ce noir grimé, enfin, tu vois. C'est exactement le contraire de ce que j'ai dit. Voilà, on est tout à fait d'accord, il ne faut vraiment pas s'énerver. Donc, ce que j'ai dit, c'est que ces mouvements qui s'étaient opposés à ça avaient vu juste, avaient raison, mais qu'ensuite, on a organisé un faux débat pendant des semaines, des mois, d'ailleurs, on en parle encore des années après, pour nous dire à quel point c'était révoltant que des gens se soient exprimés par rapport à ça. Et pendant ce temps-là, évidemment, on parle pas du fond de l'affaire, qui est cette opposition, je le répète, capital-travail, ce que Marx appelait d'ailleurs la guerre civile permanente du capital contre le travail. Enchanté, Marx. Oui, Karl de son prénom. Karl. Donc voilà, il y avait des vieux bouquins de Marx traduits en espagnol en Argentine. Les gens avaient traduit son prénom par Carlos Marx. Ça donne aussi, hein, ça donne bien. C'est pas mal. Mais en tout cas, la guerre civile permanente du capital contre le travail. Je trouve que quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui avec des huissiers qui arrivent, qui menacent des travailleurs dans leur droit de réunion, dans leur droit de grève. Ici en ce moment, avec Deleuze et oui, tout ça. C'est ça, oui, oui. Et d'autres exemples de répression, parfois plus violente en Europe, je me dis que cette idée d'une guerre civile permanente du capital contre le travail, c'est pas si sot. Mais il faut évidemment pouvoir vendre cette guerre civile, et donc il y a un travail de bruit de fond, et donc spaghetti carbonara, Ducasse. Oui, d'accord, mais je suis d'accord avec toi. Jusque-là, je te comprends bien, mais je veux dire, toi aussi dans une certaine mesure, moi aussi dans une certaine mesure... je suis bien confort dans ma petite vie et je me bouge pas trop. Enfin, tu vois. C'est toujours facile, évidemment. Hein, je comprends. Il y a les médias mainstream. Moi, j'écoutais là une chaîne publique ce matin, la chaîne publique française, sur justement les retraites pour avoir un peu des nouvelles. C'est fatigant, quoi, parce qu'on donne toujours la parole aux mêmes qui vont défendre évidemment. Le capital, Macron, enfin tu vois ce que je veux dire, ça c'est vraiment fatigant, ça, tu vois, t'auras envie d'aller créer des brèches pour casser ça, mais c'est costaud, hein, c'est non, ça je pense que costaud ça l'est, puisque c'est un mode de production très structuré, donc ça l'est. Maintenant, ça veut dire quoi, mener sa petite vie tranquillement? Oui, après, ça c'est une chose. Ça c'est le système avec l'idéologie qui est là, tu vois. Et puis il y a nous qui parlons de cette société, de ce système. C'est facile de le démonter avec les mots, tu vois. Mais je veux dire, on en profite bien aussi. C'est-à-dire que moi, on m'a toujours appris qu'il y avait trois luttes. Je déteste ce mot profiteur. Mais... D'accord, oui, d'accord. Mais on est aussi dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je voyais, c'est pour te titiller, hein, c'est parce que j'aime bien. Oui, oui. Mais donc, en fait, il y a. Tu mets un livre, t'as écrit des livres, toi? Oui, quelques-uns. Oui. Le dernier en date s'appelait 10. C'est quoi le capitalisme? Oui, c'était aux éditions. C'était en 2019 et c'était quelle... J'ai pas retenu l'édition, mais c'est sur la plateforme Amazon, quoi. L'édition, c'était La Renaissance du Livre. Voilà, édition La Renaissance du Livre, c'était en 2019. Mais, en fait, il y a trois luttes, et elles ne sont pas nécessairement toutes synchronisées entre elles. Je parle du capitalisme, je parle de l'économie, je mène ce qu'on appelle la lutte idéologique. C'est mon ressort. Je reste là-dessus, je sais faire ça. Il y a la lutte économique, c'est ce que font les syndicalistes chez Deleuze aujourd'hui, ou les syndicats en France par rapport à la retraite. Ça, c'est un travail syndical, c'est la lutte dans l'entreprise. Et puis, il y a la lutte politique, qui est celle qui se mène dans tous les organes politiques d'une société, la nôtre. Ça, c'est le travail de gens qui sont, je sais pas, c'est Jean-Luc Mélenchon en France, c'est n'importe quel représentant, quoi, je veux dire. Ça, c'est... Mais moi, je fais de la lutte idéologique. Donc, quelque part... C'est les trois manières de lutter pour toi. Et les gens dans la rue et... Les gens dans la rue sont mobilisés par ces appareils-là, les appareils idéologiques, les appareils syndicaux, les appareils politiques. Et c'est à travers ça qu'ils peuvent espérer faire valoir un point de vue un peu structuré qui va peser dans le débat public. Et parce que le reste, c'est jamais que de l'atomisation, de l'anonymat ou de la révolte passive. Je veux dire, ça fait combien d'années que les politiques urbaines ont laissé des quartiers entiers en voie de marginalisation. Je veux dire, on parle de Molenbeek en Belgique, de la Seine-Saint-Denis en France. Il y a régulièrement des émeutes dans ces quartiers, régulièrement des problèmes. Mais les problèmes, s'ils ne débouchent pas, la violence... Régulièrement des émeutes. Régulièrement des problèmes. En tout cas, à Seine-Saint-Denis, oui, régulièrement des émeutes, ça c'est clair. Tous les 5-10 ans, il y a des émeutes, régulièrement. C'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les jours, mais régulièrement, il y a des problèmes. Régulièrement, il y a des soucis, on voit des djihadistes, on voit des choses comme ça, bon, voilà. Et toute cette violence-là ne débouche sur aucune structuration de politique alternative. Aucune. Aucun projet structuré. C'est de la violence parfaitement anomique. Elle ne porte aucune autre loi, aucune alternative. La seule manière pour les gens du peuple de faire valoir leur point de vue, c'est de se structurer collectivement. C'est ce que tu crois ? Ah, non, c'est pas ce que je crois. Moi, je crois en rien, moi. C'est ce que tu dis. Tu le dis, donc tu le penses, donc on va dire que tu le crois. Non, parce que moi, je ne le crois pas. Ça, quand tu dis ça... Je n'ai aucune croyance. Je ne suis pas dans l'ordre de la croyance. Je suis un matérialiste. Je suis dans l'ordre de la pensée, du constat. Et tu penses que tu n'as pas de... Je peux finir une phrase, merci. C'est une interview. Je dis juste ceci. C'est, historiquement, ce qu'on prouve, c'est que les grandes luttes populaires, quand elles débouchent sur une modification substantielle des rapports sociaux, elles se sont organisées à travers des grandes forces collectives structurantes. C'est l'histoire qui nous enseigne. Ok. Moi, je suis venue te donner la parole, donc t'inquiète, tu l'as la parole, hein, tu vois. Mais je peux ne pas adhérer à ce que tu dis, non, tu vois. Parce que tu dis... Donc, ce que tu viens de dire là, en gros... Ben, on voit bien dans l'histoire, ok, moi je suis d'accord pour dire qu'à un moment donné, les gens se sont organisés, ça c'est au tout début du mouvement ouvrier. Là, oui, vraiment, il y a des choses qui se passent très clairement. Mais depuis déjà, je sais pas, dans le temps, parce que j'ai pas une histoire, j'ai pas lié. Toi, tu t'en connais un peu plus là-dessus, mais tu es bien d'accord avec moi qu'il faut reconnaître que ça fait bien longtemps que le mouvement ouvrier, le syndicat, waouh, il y a plein de questions à se poser sur leur manière de changer le monde, d'être critique par rapport au capital, quand même, tu vois. Ça, c'est un débat qui a été posé en 1904 par un certain Vladimir Ilitch Ulianov, dit Lénine. Le syndicat, laissé à lui-même, ne peut faire qu'une chose, lutter pour une amélioration des conditions d'exploitation des salariés. Le syndicat doit être conduit par un parti. La question du parti de classe, elle est fondamentale. Et je trouve qu'en ce moment, des choses bougent beaucoup. Oui, en ce moment, mais ça fait combien de temps qu'elles ne bougent pas non plus ? C'est pas que moi qui le dis, hein, je veux dire, on est d'accord, enfin... Oui, ça fait maintenant presque... Ça fait 5 siècles que la bourgeoisie a commencé à prendre... est devenue la classe sociale dominante et dirigeante en Europe. On peut bien piétiner pendant 20 ou 30 ans, hein. En tant que nouvelle force sociale qui s'appelle le salariat. En tout état de cause, ce que je vois aujourd'hui, c'est que des forces de gauche alternatives, dans certains pays d'Europe, sont en train d'émerger et deviennent, forment l'ossature ou l'embryon, il faut rester très très très modeste à ce stade-ci, l'embryon d'une nouvelle direction idéologique sur les organisations représentatives des salariés. Ça, c'est très net. Je vois le rôle de la France insoumise en France dans la lutte contre la réforme des retraites. Je vois l'émergence du PTB aujourd'hui. Elle est impressionnante. À gauche, qui aurait cru il y a 10 ou 15 ans que ce parti pourrait peut-être être le deuxième en Wallonie ? C'est incroyable. Donc, je vois des choses qui se structurent et qui font bouger un peu les lignes. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai que, globalement, si on regarde sur 50 ans, on a l'impression que rien n'a bougé. Et c'est vrai qu'on a plutôt vécu sur un mode défensif. Mais je dois reconnaître aussi que dans plein de pays la gauche culturelle, la gauche du combat idéologique s'est éloignée des syndicats. Je termine, si tu permets. Non, je voulais dire, et des gens aussi. Oui, enfin, en tout cas, elle s'est éloignée du syndicat. Les gens, ça, c'est un slogan, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, c'est pas un slogan. Si tu veux que je développerai, mais c'est pas un slogan. Parlons en dehors des... Soyons libres de notre parole. Tu sais, je dis ça, tu vas me coincer dans ça. Je veux dire, soyons libres de notre parole, quoi. Oui, mais je suis libre de ma parole, il n'y a pas de souci. Mais donc, la gauche culturelle dans des pays comme la France, l'Italie, s'est beaucoup éloignée du syndicat. Le syndicat, c'était pas intéressant, c'était vieux, c'était très structuré, très sclérosé. Ici, cette gauche de la lutte idéologique est restée proche des syndicats. Et je constate par exemple que l'indexation des salaires qui a été supprimée partout en Europe a été maintenue en Belgique. Pour énormément de salariés, ça leur a maintenu la tête au-dessus de l'eau ici dans ce pays. Donc, mine de rien, le mouvement ouvrier en Belgique a, contrairement à dans d'autres pays, gardé... dans une certaine mesure, une capacité d'initiative idéologique. Et ça marque des différences. C'est très clair. Je trouve que le droit du travail, par exemple, en Belgique, est beaucoup plus protégé que dans d'autres pays. Ça, c'est évident. Aux Pays-Bas, par exemple, le régime des franchisés, c'est le régime quasiment général dans la grande distribution. C'est loin d'être le cas en Belgique. Le contrat zéro heure n'existe pas en Belgique. Oui, mais moi, je faisais pas un combat entre la France, la Belgique ou je sais pas quel pays. Non. Je parlais en règle générale, tu vois, l'histoire du mouvement ouvrier quand il est né et comment petit à petit, voilà, il se fait récupérer. On se demande pour qui il travaille pour finir. Voilà, c'était ça. J'ai l'impression que maintenant, depuis quelques années, là, il y a quelque chose qui se réveille. Les gens sont dans la rue. Même les gilets jaunes. Bon, à la base, il y a pas de syndicat derrière. Hein, c'est les gens qui, allez, on y va, quoi. Voilà, il y a quelque chose dans l'air. Et je parle pas simplement des partis. Il y a quelque chose dans l'air d'un ras-le-bol, quoi. Voilà. Et on sait pas très bien vers où ça va. Est-ce que c'est, oui, est-ce qu'on s'organise ou pas? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose dans l'air d'assez intéressant qui fait qu'il y a une nouvelle agressivité aussi, quoi. Voilà. Combativité, en tout cas. Ouais. Il y a une combativité sociale qui est là, oui, qui s'est réveillée, qui, je suppose, correspond au fait quand même que la mondialisation néolibérale a beaucoup creusé les inégalités et a accentué la pression sur le facteur travail. Ça, c'est évident. Et de ce point de vue, je dois quand même dire quelque chose, c'est que l'histoire du mouvement ouvrier n'est pas uniforme. Il y a des mouvements, il y a des moments de retrait, il y a des moments d'affirmation. On a vécu un mouvement de retrait qui, en Belgique, n'a pas été improductif. Ça, je le dis. Le maintien de l'indexation des salaires. Il faut aller dans le détail. L'histoire, c'est du détail. L'histoire, c'est du concret. Alors, le fait d'avoir maintenu tout ça et un niveau de protection de la population qui reste important. Nous sommes une des sociétés aujourd'hui les plus égalitaires de la planète en Belgique. C'est clair. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Je veux dire que les inégalités se sont bien plus creusées, par exemple, dans des pays qui étaient bien devant la Belgique en termes d'égalité, de redistribution de la richesse. Je pense aux pays scandinaves. Aujourd'hui, c'est la Belgique qui redistribue mieux. Donc, il y a un poids des inégalités qui est moins fort dans notre société. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalités et qu'elles ne sont pas plus profondes qu'il y a 40 ans. Simplement, elles se sont nettement moins creusées. Donc, ce travail défensif des syndicats a été payant. Ça aurait pu être vraiment pire. Maintenant, c'est vrai que... Ça peut toujours être, hein, non? Ça peut toujours être pire. Ouais, mais si je compare la Belgique au Bangladesh, ok, d'accord. Mais c'est pas ça que je fais. Je le compare à ces pays voisins. Je regarde des normes de droit social qui ont disparu dans certains pays, qui sont restées en Belgique. Il y a aussi eu des défaites, mais je pense que ça, le mouvement ouvrier n'a pas à rougir en Belgique de son action au cours de... ces 30 ou 40 dernières années. Ah, je comprends ce que tu fais. En fait, tu prends un peu la défense quand même de tout ça pour dire... c'est ça que tu fais, en fait. Parce que j'essaye de comprendre ce que tu veux me dire. Oui. Moi, j'essaie de comprendre où on veut en venir. Mais en fait, l'histoire... Tu vas réécouter, ça tient la route. Hein. On parle... Moi, je disais juste qu'à un moment donné, dans l'histoire, tout ça s'est un peu endormi quand même, tu vois, le syndicat. C'est un travail essentiellement défensif et de gestion. Ça, c'est vrai. C'était des gestionnaires de sécurité sociale, les syndicats en Belgique. Mais ils l'ont fait parce que, d'abord, dans tous les pays, ils n'avaient pas cette possibilité-là. Voilà, et là, tu justifies, en fait, le truc. C'est pour ça qu'on patine un peu sur ça et qu'on passe pas à autre chose, parce que t'es occupé à justifier. Non, je ne justifie rien, je ne lâcherai rien, et s'il faut, on passera l'après-midi là-dessus. C'est que cette idée que les gens, spontanément, ont la solution, ça me semble stupide. Mais de quels gens tu parles? Les gens. Les gens de la rue, les gens qui sont pas... Je vous cite, les gens. Tu dis? Je te cite, les gens. Mais non, parce que tu m'as pas demandé, moi je t'avais dit de me demander qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis les gens, et alors là je t'expliquerai un peu c'est qui les gens. Les gens, c'est toi, c'est moi, sauf que toi, t'écris des articles et je te donne la parole. Les gens, c'est monsieur, madame, qu'on pas le temps de lire ce que t'écris, par exemple, tu vois. Ils sont nombreux, apparemment. Ah, ils sont plus nombreux que ceux qui lisent tes articles. Ça, c'est clair. Tu sais, ça? Je m'en rends bien compte, oui, ça, c'est clair. Mais ça, c'est pas une définition d'un sujet politique. Les gens? Les gens, c'est pas une définition d'un sujet politique. C'est énorme ce que tu dis, là. Attends. Toi, moi, le voisin, c'est pas parce qu'on existe qu'on est forcément des sujets politiques. Non, mais même ceux que je ne suis pas proche d'eux, hein, même ceux qui ne rentrent pas dans mon univers, je parle pas de l'entre-soi, moi. Hein, je crois que c'est les gens, c'est un sujet politique pour moi. Hein, c'est la base, quoi. Tant qu'ils ne sont pas structurés. Je veux dire, il faut être très clair. Par exemple, on a ici une ministre du budget, enfin secrétaire d'État au budget, madame Alexia Bertrand. Son papa est un milliardaire. Hein, et donc, elle vient de déclarer dans la presse que le problème en Belgique du budget, du déficit budgétaire, c'était pas les dépenses, c'était pas les recettes, c'était les dépenses qui étaient excessives. Eh bien, madame Alexia Bertrand appartient à une classe sociale dominante, hégémonique, elle a les moyens de s'organiser et elle pèse comme individu. Face à elle, je ne pèse rien. Donc, comme travailleur, je dois être coalisé et structuré avec d'autres travailleurs. À la fois dans la lutte idéologique, à la fois dans la lutte politique, à la fois dans la lutte syndicale. Je suis d'accord avec toi. Et donc, c'est pour ça que moi, les gens... Les gens, un gens, c'est quelqu'un tout seul. Les gens, ça donne déjà quelque chose à plusieurs, donc on peut se rejoindre, là, tu vois. Donc les syndicats, c'est les gens, d'accord. Mais pas que les syndicats, tu vois. Les partis de gauche, c'est les gens. Parce que les gens sont fâchés sur la politique aujourd'hui, ils veulent plus entendre parler. Enfin, quand tu vas vraiment discuter avec les gens, comme on dit, là, ils sont fâchés sur la droite, sur la gauche. Des fois, c'est même le cas, qu'ils comprennent plus rien. C'est compliqué aujourd'hui, tu vois, tout ça. Ça a toujours été compliqué. Comment tu le sais? Je le sais parce qu'on lit l'histoire sociale, la lutte idéologique a toujours été importante. Par exemple, non, qu'un ouvrier allemand puisse trouver qu'un petit caporal qui était payé par les services secrets lui dise que la cause de ses problèmes, c'est les juifs et pas le capitalisme et pas la crise des, la fuite des capitaux en Allemagne en 1933, c'est clair que c'était pas évident pour les gens ce qu'était la droite et la gauche à l'époque. Donc c'est pas plus compliqué qu'à l'époque. Mais ça reste un enjeu de pouvoir idéologique, de discussion et de bataille dans les idées. Et je crois que ça, c'est fondamental. Alors, le fait qu'il y ait peu de gens pour nous lire, ça prouve quoi? Ça prouve juste que les moyens de diffusion sont entre les mains de la bourgeoisie, des amis de Madame Bertrand. Et ça prouve aussi quelque chose, c'est que peut-être, que la démocratie libérale, celle dont je parlais hein, tout à l'heure, quand j'ai lisé ce petit texte que tu avais vu, ce petit billet d'humeur, cette démocratie libérale, elle est peut-être à remplacer par d'autres modèles de démocratie dans lesquels il y aurait, par exemple, nettement plus d'ouvriers au Parlement, nettement plus de conducteurs de la STIB au Parlement que d'avocats, dont certains sont d'ailleurs les avocats de la famille Bertrand ou de grands groupes industriels. Donc voilà, le jour... Enfin voilà, c'est ça que je me pose comme question et je me dis que pour arriver à cette concrétisation politique-là, il faut se mobiliser dans des luttes. Mais quand on se mobilise, on se structure. Et quand on se structure, on n'est plus la masse anonyme, la masse informe. On est un peuple en action. D'accord avec toi. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est parce que t'aimes bien me titiller, parce que je ne sais pas ce que je te fais titiller en toi, tu vois. Parce que quand je dis les gens, t'as l'air de monter au plafond. Parce que je trouve ça imprécis. Donc, j'ai envie de parler de classe sociale. Mais je t'ai un peu plus précisé. Précisons ce qu'on veut. Enfin, voilà, essayons de ne pas prendre les autoroutes de la pensée, comme ça... Non, moi j'ai pas de problème. Moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Évidemment, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de structuration, tu vois, d'organisation bien claire. C'est compliqué en fait, tu vois. Et je disais parce que justement, les gens ne veulent plus adhérer à des choses qui sont déjà là. Ils sont dégoûtés en fait du politique. Enfin, moi je comprends ça, tu vois. Ils écoutent, ils allument la télé, ils entendent les discours tout faits là. Ils en ont sa claque, hein. C'est compliqué, et là tu me dis, ça a toujours été compliqué. Ça a toujours été compliqué. Ben oui, mais là aujourd'hui, moi je vis dans mon époque et je trouve ça compliqué parce que c'est une confusion de pensées des fois. Que je trouverais ça plus compliqué et plus oppressif si j'étais un militant de gauche italien en 1927 sous Mussolini? Ce serait effectivement plus... Moi, je trouve ça... Ok, j'y étais pas, mais moi, je trouve ça simple. T'as Mussolini, un grand facho qui est là, avec toute sa clique. Tu vois, aujourd'hui, c'est tout... C'est confus, quoi, voilà. Moi, je préfère un... Évidemment, je le préfère pas. Mais au moins, t'as un gros facho... Attends, le Macron qui se dit de gauche, enfin... C'est jamais dit de gauche, c'est pas possible, ça. Mais, en fait, l'histoire, elle est ailleurs. Il se socialise. En tout cas, les blocages à l'action collective d'un sujet populaire organisé étaient beaucoup plus pesants il y a un siècle qu'aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, par contre, il y a un brouillage idéologique qui est beaucoup plus puissant aujourd'hui qu'il y a un siècle. Il y a un siècle, c'était assez typique, hein, dans certains quartiers ouvriers, il y avait un club de foot, une maison du peuple. Les gens avaient... Ils lisaient un journal ouvrier. C'était Le Peuple ou Le Drapeau Rouge, en Belgique francophone, en tout cas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont tous chez Hanouna. Ça, c'est évident. Non, oui. Pas tous. En tout cas, il y en a beaucoup chez nous. En tout cas, il a l'air de bien marcher, cet animal. En tout cas, c'est confus, quoi. Il y a... Internet, c'est rempli de plein de bazars, tu vois. D'accord, ça, j'entends bien. Quoique la confusion idéologique n'est pas un phénomène nouveau. Je veux dire, le fait que des gens aient pu, dans la classe ouvrière allemande, préférer quelqu'un qui était payé par le patronat pour les diviser sur une base ethnique, raciale... C'est comme ça qu'il le disait. Tout ça prouve qu'il y avait de la confusion idéologique. Donc, elle est là. Elle est là. Elle a toujours été là. Je pense qu'il faut quand même se poser la question. Enfin, je me rappelle que j'avais dit ce jour-là, j'étais sur un plateau de télévision, de radio, et je dis à la présentatrice, gauche bobo, un peu sympa, elle allait parler d'Hanouna, elle fait sa coupure, il y a la pub, je la regarde et je lui dis, je sais que vous dites beaucoup de mal de Cuba dans vos programmes, mais à Cuba, au moins, Hanouna est impensable dans l'audiovisuel. Voilà, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a ri, un peu jaune, un peu crispée. Je sens qu'on se reverra pas tout de suite, mais on se reverra quand même un jour. Mais oui, je pense profondément qu'il y a des choses à reconstruire, mais la lutte idéologique, c'est toujours faite... Notre classe est une classe dominée. Donc, les dominés... Quand tu parles de notre classe, de quelle classe tu parles précisément? Les salariés, c'est évident. Nous, blanc. Blanc salarié. Non, je ne fais pas référence spécialement à ça. Mais c'est vrai que quand on est salarié... Non, mais je veux dire, là, du coup, on va partir dans... Mais... Non, mais on ne va pas partir, parce que je vais simplement articuler les choses. Être un salarié, c'est un fait structurel profondément inégalitaire. Quand on est blanc et masculin, c'est un peu plus facile. Mais globalement, on est dans la même barrière de classe. On est dans la même barrière du pouvoir. Et il a toujours été difficile pour les dominés, et spécialement, par exemple, pour les populations minoritaires victimes du racisme, de s'exprimer et de dénoncer les mécanismes d'oppression structurelle. Donc il y a les mécanismes d'oppression structurelle. Mais le phénomène structurel dans notre société, de mécanismes de domination, demain, il n'y aurait plus que des Noirs en Belgique. Si le système économique reste le même, il y aurait 80% de dominés dans la population. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est le phénomène structurel de base. Ce qui n'exclut pas, et je le répète, la lutte socio-économique de dénonciation du néolibéralisme n'exclut pas percer en soi l'existence légitime de luttes antiracistes ou antisexistes, évidemment. Donc, mais je dis simplement que notre classe, c'est celle des salariés, et qu'en tant qu'elle est structurellement dominée, parce que c'est comme ça, c'est pas nous qui décidons, c'est pas les travailleurs de Deleuze qui décident de la manière, du niveau de profit qu'auront les actionnaires, ce sont les actionnaires qui décident du nombre de gens qui auront encore des droits sociaux un peu potables chez Deleuze, ce qui est quand même pas la même chose. Je dis que dans une société comme celle-là, s'affirmer sur le terrain idéologique pour la classe dominée est à la fois capital et extrêmement difficile, parce que les outils, les canaux de la communication sont aux mains de l'idéologie et de la classe dominante. Camarade. Je ne suis pas camarade. Mais du coup, je sais que c'est un peu une question bidon, hein. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Parce que dans l'histoire, tu vois, c'est toujours la main. Ils gagnent toujours les autres, là. Comment tu racontes ça? Ah, je raconte que la victoire de... Parce que toi, t'es économiste, mais t'as aussi penché sur l'histoire du mouvement ouvrier, non? Je suis un économiste qui appartient à l'école matérialiste historique. Donc j'essaie d'étudier l'économie non pas en fonction d'idées prédéterminées, d'idées préconçues qui sont celles de la classe dominante, mais de faits matériels. Et ces faits matériels, je les repère dans l'histoire. Ok. Comment tu pourrais m'expliquer brièvement comment ça se fait que ça se passe toujours comme ça? Parce que c'est pas vrai. C'est le récit dominant et le récit des dominants. Le récit qui domine est le récit de la domination. Donc il a tendance à faire croire aux dominés qu'ils ne peuvent jamais qu'être dominés. Or, historiquement, d'un point de vue matériel, on constate qu'il existe régulièrement dans l'histoire des moments où les rapports sociaux, les rapports de domination s'inversent. Exemple typique, c'est l'obtention de la sécurité sociale en 1945. En 1945, la Belgique n'est pas un état de droit de société, c'est pas une démocratie libérale. Il y a un vrai processus qu'on pourrait quasiment qualifier de rééducation d'une partie de la population. Il suffisait d'avoir écrit un article de poésie dans une revue tenue par les Allemands pour se retrouver mis au ban de la société. Ça s'est vu. Il y avait des partisans en armes un peu partout dans ce pays. Et qu'est-ce qu'on arrache sur une société qui n'est plus qu'un tas de ruines? La sécurité sociale. Ok. Mais est-ce que tu ne penses pas, avec le temps, avec le recul, que cette sécurité sociale, elle a vachement endormi aussi pas mal de... pas mal de gens de nouveau. En tout cas, moi, je constate que les gens de l'aise, ils se battent pour leurs droits sociaux. Donc, ça n'a pas l'air de les avoir endormis. Mais ok, j'entends. Si tu veux rester sur cette ligne-là, ok. Mais j'ai l'impression que après la Seconde Guerre mondiale, une fois qu'il y a eu les conquis sociaux, là, justement, toutes les miettes qu'on va donner. Que le capital va donner et j'ai l'impression que depuis ce moment-là, tu vois, il y a même eu la division du coup avec les Noirs, parce que enfin c'est plus complexe que ça, hein, mais du coup il y a plus vraiment de combat, quoi, voilà, il y a plus. D'abord, c'est pas vrai, la grève de 60, ça a été autre chose qu'une mise en scène spectaculaire. Je parle aussi, Oui, mais là on parle de grève, quoi, on parle plus de. C'était une grève insurrectionnelle. Le pouvoir a eu peur, il faut relire ce qu'a été l'histoire de la grève de 60. Et je tiens quand même à dire ceci, c'est que les mouvements de résistance en Belgique, si nous avons pu maintenir un tel niveau de droit social dans ce pays, c'est aussi lié au fait qu'il y a eu des mobilisations régulières dans la sidérurgie wallonne. Mais je dis pas le contraire. Mais si, il y a 2 minutes, vous disiez le contraire. Donc, non, je dis que fondamentalement, il y a quand même quelque chose qui s'est endormi profond, quoi. Tu vois, si on en est là aujourd'hui à toujours ressasser, allez. On ne ressasse pas. C'est l'histoire d'une structure, c'est-à-dire ça. C'est pas moi qui le dis, on est sur la défensive. Le mouvement social, il est sur la défensive. Il propose plus rien, tu vois. Il doit toujours se retrancher, se défendre. C'est pas moi. Il y a pas que moi qui le dis. Ça c'est clair. Mais cette défense-là était quand même bien assumée, je trouve. Et donc être sur la défensive, c'est aussi assumer une position. Il faut quand même se rendre compte que la défensive, c'était conserver des droits. Ça a pu être fait dans certains pays, pas dans d'autres. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je ne fais pas partie des gauchistes qui trouvent que la social-démocratie et le néolibéralisme, c'est la même chose. La social-démocratie, c'est bien préférable au néolibéralisme. Donc ça, c'est évident. C'est quoi la différence ? La différence, parce que là, dans les politiques, on voit... Enfin, c'est un peu... La différence, eh bien, il suffit d'aller en Angleterre signer un contrat zéro heure qui n'existe pas en Belgique. C'est très concret. Ce droit qu'a l'employeur de considérer que le travail est une pure marchandise est beaucoup plus facile dans une société néolibérale comme celle du Royaume-Uni qu'en Belgique, par exemple, parce qu'il y a un poids des syndicats qui est plus important dans la société. De ce point de vue-là, je le répète, il y a des différences. La droite, la gauche, ça existe, il y a des différences réelles. Et la social-démocratie, quand bien même j'aurais des critiques à son égard, est bien préférable au néolibéralisme et est très différente factuellement. Bah, heureusement qu'il y a encore les syndicats qui sont là, on va dire, tu vois, c'est encore... c'est heureusement qu'ils sont là, parce que c'est le souvenir et la mémoire d'un combat qui a été mené, et une organisation qui est là. Après, j'aimerais tellement que ce soit autre, tout ça, quoi. Et ça peut être l'outil de nouvelles luttes. Bon, voilà, il faudrait quand même, à un moment donné... Enfin, voilà, en tout cas, pour atterrir sur ce qu'on disait, c'est qu'en fait, je considère que, et c'était ça la citation du départ de cette émission, puisqu'il nous reste 2 minutes très exactement, je regarde le chrono. Non. Ah bon, je croyais... Vous installez encore un petit 10 minutes. Ah ok, carrément. Ben écoute... C'est fini, vous avez déjà plus rien à dire. Non, je suis très surpris, je pensais que c'était 2 minutes. Mais en fait, voilà, donc c'est que... Moi, je... Bah, si vous n'avez plus rien à dire, vous n'avez plus rien à dire. Je me positionne en disant ceci, c'était ça la petite citation, donc c'était ça dont on a parlé, c'est que le fait politique fondamental pour moi, C'est pas les institutions, c'est pas le Parlement, c'est d'abord et avant tout l'opposition capital-travail. C'est ça le fond de l'affaire politique. Et il est dissimulé au regard du grand public pour parler d'autre chose, parce que l'exploitation du capital par le travail, du travail par le capital, ça, c'est pas vendeur, et surtout, ça doit pas être trop mis en lumière par les médias dominants, les tenants des récits qui nous occupent dans la société contemporaine. C'était de ça dont je voulais parler par cette petite citation, dont je ne pensais pas qu'elle me vaudrait cette très agréable rencontre. Agréable, je ne suis pas sûre qu'elle est complètement agréable, hein, parce que des fois, les gens ne le voient pas, mais j'ai l'impression qu'on ne se connaît pas non plus, mais vous vous énervez, tu t'énerves un peu, là. Mais ça, je suis tout le temps comme ça. Ah ouais ? Oui, non, je ne suis pas... C'est vrai ? Mon collègue est là... Non, je suis pas. Je suis un type vraiment pas cool en fait dans la vie. C'est vrai? Non, je bois pas, je fume pas, je ris très peu. Parce que être cool, c'est boire, fumer. Et... Non, je suis un mec pas cool. Et je suis pas détendu. Je suis tout le temps énervé. Donc voilà. Et pourquoi c'est comme ça? C'est une blague ou quoi? C'est une blague en partie. Okay. C'est une blague en partie, mais je suis un type pas cool. Et alors, c'est vrai que je suis de plus en plus convaincu d'un truc. Mais ça, c'est mon vieux fond marxiste qui revient, avec les années, terriblement. Je suis de plus en plus convaincu que le progrès culturel, on l'obtient non pas par la discussion partout, à tout vent, mais par la lecture solitaire d'ouvrages, la réception de commentaires autorisés par des gens qui ont fait leurs preuves dans ce domaine-là. Et de ce point de vue... Je suis de moins en moins ouvert à des discussions, dont j'ai l'impression que, mais c'est pas le cas ici, hein, parce qu'on a parlé de plein de choses, on a 45 minutes. Mais si je pouvais, par exemple, fouiller tous les médias pour ne me concentrer que sur des textes, je ne ferais que ça. Et quel texte, par exemple? Tu vois, c'est toujours bien de l'expliquer pour qu'on comprenne bien ce que tu veux dire. Je me lancerai dans une grande, grande thèse qui s'interrogerait sur des choses comme les variations de des trucs très techniques sur la monnaie. Ça n'intéresse personne et je ne suis pas subsidié pour ça. Et le fait de passer sur LN24 est très valorisé. Et donc, oui, je le fais, mais c'est une contrainte que j'ai de plus en plus. J'étais très heureux. Mais t'es pas obligé d'être chroniqueur à LN24 non plus. C'est très valorisé. C'est quelque chose d'important aujourd'hui. Et mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis c'est très valorisé? Ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent cette histoire plus que de gens qui lisent mes textes, et que de contredire en public, le représentant de la fédération des grands magasins, des supermarchés, etc., c'est vu par pas mal de gens, et donc c'est dans la sphère qui est la mienne, qui est celle de l'éducation populaire, c'est valorisé par, même y compris par, je ne vais pas dire mon public, ce serait quand même très prétentieux, mais par les gens de ma sphère d'activité. Et je les comprends, hein. Mais si je pouvais y échapper, il n'y a pas de souci, hein, je le ferais tout de suite. Et je trouve d'ailleurs qu'un jour, il faudrait qu'on dise... Mais oui, non, là, à ce moment-là, on deviendrait un petit entre-soi militant de gens qui écrivent des textes, bien, super léchés et tout, mais avec 500 lecteurs par an, ce qui, quand même, en termes d'impact de la lutte idéologique, serait quand même très limité. Mais voilà, je vis ça très, très mal. Voilà, et en plus, je ne suis pas très à l'aise dans cet exercice, et voilà, c'est comme ça. Mais bon, tu le fais. C'est un travail. C'est un travail. Ah non, c'est vrai, Mais donc, je disais que c'était une rencontre très agréable qu'on avait eue. Elle a été très agréable parce qu'elle a permis... Elle a été brève en même temps, parce que quand on veut vraiment comprendre tout, on ne dit pas grand-chose quand on se rencontre comme ça 45 minutes. Hein, Non. J'ai pas l'idée, parce qu'en fait, la plupart de mes interventions dans les médias, c'est 5-10 minutes. Quoi, donc, Là, c'est encore plus débile, c'est encore plus fou, je trouve. J'ai dit le mot débile. Je trouve, comment veux-tu penser en... C'est pas possible. Tu dois venir avec 2-3 idées essentielles, et puis tu dois les développer, et puis il y a parfois une bagarre qui va se dérouler, s'il y a un peu de débat, et puis ça sera du clash comme ça. C'est comme ça que ça marche. Non, mais moi, je regarde pas, ça ne m'apprend rien, tu vois. Enfin, bon, voilà. Mais moi non plus, c'est regardé par des gens. Donc voilà, ça fait partie, en tout cas, des outils avec lesquels il faut travailler aujourd'hui. Je veux dire, on peut pas faire de l'éducation populaire sans peuple. Ah! Sans les gens, hein. Sans le peuple. mais ça veut rien dire non plus, le peuple, tu vois. Ah si. Les peuples, alors, tu vois, pour moi. Le peuple. une catégorie. Non, non, le peuple. Mao Tse-tung, c'était quand même un grand leader du tiers-monde, et il ne disait pas les peuples, il disait le peuple. Et il savait de quoi il parlait. Il parlait des dominés, des classes subalternes qui s'opposent à leurs dominants. Je viens de citer Mao Tse-tung et Lénine dans un truc de l'ULB. Juste pour mentionner ce truc, c'est une petite provocation, mais là-dessus, on pourra terminer, je crois, dans une ou deux minutes. C'est que la manière dont le marxisme n'est plus enseigné à l'université aujourd'hui n'a jamais dépendu de critères épistémologiques, de critères liés à une évaluation du savoir. Ça a été un pur règlement de compte politique pour éliminer des économistes qui ne chantaient pas la chanson néolibérale, des sociologues qui ne chantaient pas la chanson du sociolibéralisme. Et donc, dans une vraie démocratie, le prochain président de toutes les universités sera un ouvrier chauffagiste qui a été formé à l'école du parti et qui aura le droit de dire ce qui est idéologiquement juste ou non, puisque c'est de toute façon ce type de règlement de compte qu'on nous a tous fait subir. Voilà. Ben là, j'ai rien à dire, hein, je suis bien d'accord avec ça. Mais écoute, j'imagine que ce que tu viens de citer là, ce que tu viens de dire, c'est pas toujours facile pour tout le monde, hein, parce que je vois que toi, t'as écrit un livre qui s'appelle « 10 c'est quoi le capitalisme » et il se trouve sur la plateforme Amazon. Je m'en fous éperdument, il est normal. je m'en fous éperdument. Attends, non mais tu vois, c'est... Légitimement. Je m'en fous éperdument et c'est profondément légitime. Ah bon? Parce que si je veux aller à la poste, je dois bien acheter des timbres. Donc je peux pas échapper à la détermination. Attends, il y a plein de moyens de diffusion que d'aller sur Amazon aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui défendent justement la diffusion. Ben ça m'énerve, tu vois. Ça, c'est de la gauche bobo éthique. Je n'ai pas choisi le capitalisme et je vais même te dire un autre truc. C'est pas de la blague. Mais bien sûr, tu vas finir. Tu vas finir. Eh bien, en fait, j'ai même pas choisi mon statut d'auteur. Amazon, j'ai pas de droit sur ce livre. Il y a un éditeur, il a décidé de le mettre sur Amazon. C'est pas moi. Oh, c'est pas toi. C'est pas moi. J'ai un statut social. Et je peux avoir j'ai en fonction de ce statut social des droits et des devoirs prédéterminés. Ah oui, et je pourrais aimer les gens et me reconnaître dans les gens et trouver que la spontanéité s'amène toujours à du progrès. Il n'en resterait pas moins que mon éditeur, il a le droit de mettre ce bouquin sur Amazon, quand bien même je ne suis pas spécialement client d'Amazon. Cela dit, c'est toutes nos contradictions, quoi. Je veux dire. C'est pas une contradiction. En tout cas, moi, j'écrirai un bouquin. Je me poserais la question quand même, Amazon, c'est quand même une machine de guerre dans le capital, là, non ? Oui, c'est évident. Mais je n'échapperai jamais, et toi non plus, et personne ici, c'est pas une contradiction. C'est pas une contradiction. C'est pas une contradiction. Je n'échappe pas à une détermination comme celle du capitalisme de plateforme. Il est impossible d'y échapper. Personne n'y échappe. Mais il y a d'autres plateformes qu'Amazon, quoi. C'est ça surtout. Tu vois, Amazon, c'est vraiment la machine de guerre, quoi. Je dis ça parce que moi, je rencontre des gens qui écrivent des livres et ils disent très clairement, et ils tiennent un discours et ils disent, mon bouquin se retrouve. Il est sur Internet, oui, parce qu'on peut pas y échapper. Internet, on peut pas y échapper. Mais Amazon, tu vois, l'étiquette Amazon, non, quoi. Au moins. Non, pas au moins. On peut faire beaucoup mieux que ça. Je trouve qu'il faudrait interdire... En tout cas, c'est pas ce que tu... Il faudrait interdire aux gens de porter des jeans qui peuvent être fabriqués au Bangladesh. Je trouve qu'il faudrait interdire aux gens, pour qu'ils soient cohérents politiquement, de fréquenter... Tu veux pas entendre ce que je veux dire? Non, non, je ne veux pas l'entendre parce que je trouve ça... Il y a une nuance. Dès que t'es pris, toi, en défaut, alors tu étais là... Je ne suis pas pris en défaut, c'est absurde comme question. Cette question n'a pas de statut. Qu'est-ce que c'est que politiquement ? Mais toi qui te bats, enfin on va arrêter de toute façon le temps, toi qui te bats, qui défends des idées, qui est là, qui vient de parler de l'ULB, je suis d'accord avec toi à fond, tu vois. Je veux dire, et je vois que ton livre, il est sur Amazon, alors que je rencontre d'autres gens qui écrivent des livres et qui disent « Ah non ». On est déjà assez dans la merde comme ça, avec nos jeans, comme tu dis, et tout ce que tu veux. Je vais quand même pas le mettre sur Amazon. Bon, quoi. Voilà. Mais moi, perso, je m'en tape. C'est pas moi. Tu vois, c'est pas mon livre. C'est pas le mien non plus. C'est pas toi qui l'as écrit. C'est pas ça dont il est question. C'est que l'éditeur a le produit industriel. Moi, j'ai jamais fait que fournir mon travail. Et les types qui te disent « j'irai pas sur Amazon », je sais pas quel est leur contrat avec leur éditeur. Mais si leur éditeur le décide, ils auront bien du mal à l'empêcher. Ça s'appelle un statut social. Deuxièmement, je ne vois pas la frontière Amazon, parce que ce serait une machine de guerre du capitalisme. Oui, enfin, ça, c'est clair, mais j'ai presque envie de dire ceci. J'ai pas ce statut social qui me permet de décider si ça passe sur Amazon ou pas. Et on ne m'a jamais demandé mon avis. C'est ça, un statut dominé, je veux dire. C'est pas parce que j'écris des bouquins que je suis un dominant sur le plan social. Et en plus, je suis pas si connu que ça. Bah, je connais des gens qui écrivent des bouquins, qui essayent de pas aller marcher. C'est quoi leur maison d'édition? C'est quoi leur... Non, mais tu vois, cher ami Dupré-Xavier, que je ne connais pas. Je veux dire, moi, je peux être d'accord avec des discussions avec toi. On a l'impression, tu vois, qu'on serait du côté du monde ouvrier, du peuple, comme tu dis, des peuples, comme je dis. Et au fond, on faut tout ça... C'est compliqué, c'est plus compliqué que ça en a l'air, voilà, c'est pas si simple que ça, tu vois, voilà, on pourrait conclure là-dessus, c'est pas si simple que ça d'être combattre vraiment la grosse machine parce qu'on est dedans aussi si complet, et toi en plus avec Hélène 24, t'es chroniqueur maintenant, là, enfin, tu vois, c'est compliqué tout ça. Eh bien, c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible à comprendre, et c'est pas parce que c'est compliqué... Enfin, en tout cas... Non, mais tout le monde le comprend. Non. On est tous dedans. Non, on est tous dedans. Oui, on est tous dedans, mais c'est pas parce qu'on est tous dedans qu'on peut pas avoir un peu de recul critique. Et c'est ce que je te dis en ne mettant pas ton livre sur Amazon. Bah, précisément, c'est pas un argument. Bah, moi, je trouve que ça fait... J'aurais sans doute une petite conscience, petite bourgeoise très propre, mais ça n'empêcherait jamais l'exploitation capitaliste d'exister sur la planète. Et les gens qui disent « je ne mets pas mon bouquin sur Amazon », d'abord, un, je voudrais voir quel est leur contrat avec un éditeur, parce que ça me semble très très facile de le dire comme ça, mais deuxièmement, leur bonne conscience n'empêchera pas demain l'exploitation de continuer à se dérouler comme elle se déroule depuis la fin du XVIIIe siècle. Je trouve à la limite même indécent ce discours. Carrément, toi, indécent. Bah, moi, je ne le trouve plus... Moi qui rencontre des gens qui écrivent des livres et pas simplement une personne, je trouve ça plus cohérent des fois de pas le mettre sur la plateforme Amazon, quoi, tu vois. Je trouve ça des fois plus cohérent. C'est de la cohérence petite bourgeoise. Moi j'ai un autre type de cohérence politique. Moi j'ai une cohérence vraiment politique. Leur cohérence à eux est simplement éthico-individualiste. C'est pas intéressant. Moi, non, il faudrait voir avec eux. Je veux dire, laisse-les aussi se défendre. T'es tout de suite aussi de nouveau à trouver toutes les réponses. Je veux dire, tu pourrais aussi dire, c'est bien que des gens se cassent le cul et essayent de faire autrement. D'office, t'as une idée. D'office, j'ai une idée normale. C'est un peu pour ça que je suis payé. Deuxièmement. Conscience petite bourgeoise. Tu t'as pas une conscience, toi, de petit bourgeois, des fois? Non, je connais profondément l'exploitation du peuple parce que mes parents étaient des grands bourgeois qui vivaient de l'exploitation du peuple. Donc, mais ça c'est encore autre chose. Mais la réalité c'est que dire j'ai une conscience politique et ça prouve quelque chose de structuré sur le plan politique, de ne pas mettre mon bouquin sur Amazon, je le répète, j'ai rien choisi parce que j'ai signé un contrat et que j'ai pas de droit là-dessus, déjà. Ouais. Et, Je l'ai signé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis que dire que mon bouquin, il passe pas sur Amazon, et c'est une conscience politique, ça, pour moi, c'est faux, c'est tout. Ben moi, j'ai jamais dit ça comme ça, les gens vont réécouter, c'est plus... Ce que je trouve intéressant, c'est de dire, on critique la machine, on bouffe bien avec cette machine aussi, c'est complexe, le combat aujourd'hui, tu vois. Si je retiens la portée, la structure argumentative de ton argument, la structure logique de ton argument, ça veut dire qu'il aurait fallu reprocher à des ouvriers d'aller à l'usine faire la fortune de Monsieur Henry Ford parce qu'il tournait dans la machine. Eh ben, désolé. Il y en a qui ont cassé les machines, tu vois, au début, là, tu dois savoir ça. Hein, en 1800 et des, le mouvement ludite qui a cassé les machines, ils étaient déjà bien conscients de la chose, tu vois. Ils n'ont pas pris le pouvoir puisqu'ils étaient dans un mouvement de rejet unilatéral de leur détermination sociale. On les a déportés, on les a massacrés sur la place publique. Bref, il faudra reprocher demain à tous ces pauvres gens d'aller travailler au Deleuze parce qu'ils font la fortune de la grande distribution. Eh ben, c'est pas ma tradition de gauche, mais je vous souhaite quand même une bonne journée. Merci, Xavier. De rien. Et détends-toi. Hein.